Oui, le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour, Danny. Phil, on va parler des. Écoute, d'habitude, c'est plus le Canadien, c'est plus du sport national que je te fais commenter, mais là, on a sorti ce matin, je vais parler avec Richard Letourneau la semaine prochaine. Les Saguenayens auraient sorti dans les médias pour dire qu'ils préféraient avoir un nouvel amphithéâtre plutôt que de le rénover. C'est nouveau comme position parce que Richard Letourneau m'a dit si on veut un nouvel amphithéâtre, je vais être bien content. Puis si on décide de le rénover, je vais être bien content aussi. Sauf que ce qui s'est passé à Trois-Rivières la semaine passée, l'annonce de 55 millions, est-ce que ça va changer un petit peu par rapport au centre Georges Vézina? Moi, je pense pas. Écoutez, moi, je pense qu'il change la donne, là. C'est vraiment. C'est l'offre qu'a fait le premier ministre Couillard il y a quelques semaines, alors qu'il a rencontré Mme Néron. Il lui a dit, écoutez, préparez-nous un projet. On voulait jusqu'au 31 mars. On est ouvert. À partir de là, ça veut tout dire, on est ouvert. Mm. Tu sais que le gouvernement s'en va en élection dans les prochains mois. Ils ont de l'argent. C'est sûr que le projet de Trois-Rivières, qui est là, qui est débattu depuis 5 ans, celui de Gatineau, qui a été accepté également cette année, qui était là depuis une dizaine d'années, ben, ça vient donner plus de pouvoir encore. Puis tout le monde sait que les installations du Centre Georges Vézina, les installations également à travers le Québec, au niveau des amphithéâtres, on peut appeler là de quand même d'envergure de 3 000, 4 000 et 5 000, on est en retard sur les Maritimes, on est en retard sur l'Ontario, on est en retard sur l'Ouest canadien. On est vraiment les parents pauvres de tout le Canada là-dessus. Ben oui, c'est sûr. Moi, je le sais, j'ai fait le tour des Maritimes. Vous verriez ce qu'il y a à... Ben, Moncton va avoir un nouvel amphithéâtre de 10 000. Ouais. Vous verriez l'Halifax. Tu t'en vas au Cap-Breton, un bel amphithéâtre. Tu t'en vas à Bathurst également. Même chose à Charlottetown. Ce sont des amphithéâtres adéquats. On sait très bien que les gouvernements actuellement sont ouverts à des projets partenaires. Et actuellement... Le Québec est ouvert à ce projet-là. Moi, écoutez, que les Saguenayens disent ce qu'ils veulent, écoutez, c'est pas compliqué, là. C'est très facile à vendre pour une idée. C'est que on a des exemples importants, et c'est surtout à Shawinigan. Quand Shawinigan avait l'ancienne aréna Jacques Plante, on attirait en moyenne 1700-1800 spectateurs. Ouais. Le moment où on est tombé dans l'amphithéâtre, la première année, c'est juste à 4003-4004, là. On pouvait parler vraiment de résultats tout à fait exceptionnels. Mais quand on regarde un peu, après qu'il y a eu l'euphorie du début, comme il y a eu le centre Vidéotron, on maintient une moyenne de 3 500. On a doublé le système. L'avantage que la Ville a dans ce dossier-là, Danny, à qui appartient l'équipe? À la Ville. À la Ville. Ouais. Si tu remplis le centre Vézina, tu doubles les assistances, au lieu de 2 000, tu as 3 002, 3 003. Au lieu d'avoir 12 loges, tu en as 25 ou 30. Au lieu de pas être pas capable de mettre des panneaux ou de l'affichage, tu peux le faire avec une organisation meilleure à niveau de l'intérieur. Moi, je pense que les grands gagnants là-dedans, c'est la Ville. Au lieu de payer un déficit de 100 000 dans une mauvaise année ou 125 000, tu vas faire break-even. Puis dans une bonne année, au lieu de faire 50 000 comme l'année passée, tu vas en faire 200 000 ou 300 000 ou 400 000. Ouais. Donc, moi, je pense que la Ville est gagnante. Il y a une autre chose également que la Ville doit regarder. Rappelons-nous, Danny, il y a quelques mois, il y a près un an, il est arrivé un promoteur privé qui avait rencontré la Ville pour ce qu'on appelle un soccer dome. Oui, un soccer dome, effectivement. Et ce projet-là a été abandonné par le propriétaire. Mais moi, je pense que je regarde cette semaine. Cette semaine, je regardais le conseil municipal strictement du secteur Chicoutimi. Marc Peterson, qui est un des conseillers du secteur Nord, a dit, moi, je voudrais qu'on fasse une proposition lors de la prochaine rencontre, qu'on soumette au comité des loisirs et leur dire que nous, on est favorable à un nouvel amphithéâtre. Si le conseiller le dit, immédiatement secondé par les 4 autres conseillers autour de la table, ça veut dire que déjà, il y a un grand bout de fait, là. Oui. C'est sûr que ça va revenir au comité à Michel Tifo, qui, lui, est au loisir, de prendre la grande décision finale. Mais, cette semaine, dans le reportage chez JPM, la mairesse a dit, écoutez, je vais laisser les gens discuter, mais il faut que nos organisations qui utilisent ces installations vivent très bien. Donc, c'est clair que vivent très bien, elle est ouverte. Elle dit une chose qu'il faut regarder, on est en 2018, il faut regarder vers l'avenir. Donc, c'est pas avec une rénovation du centre Vézina qui a déjà 70 ans qu'on regarde vers l'avenir. Mais non, c'est je pense clair. Que l'avenir, c'est un amphithéâtre neuf. Ah oui, c'est juste ça. Les médias ont, moi, je pense, une grande part de responsabilité. D'ailleurs, mardi prochain, dans le quotidien, j'écris, et je vais ajouter d'autres choses également, parce que j'ai d'autres arguments qui sont intéressants et qui pourraient amener d'autres rénovations. Je vais te donner un exemple, Danny. Mm. Dernièrement, on a fait un spectacle au centre Vézina avec Styx. Ça a coûté en installation les profits qu'on aurait dû ramasser à la fin de la journée. Mm. On a attiré 3500 personnes avec des billets à 50, 60, 75 piastres. À la fin, on a tellement mis d'argent parce qu'on n'est pas capable d'utiliser les infrastructures du centre Vézina, c'est pas solide. On est tout monté une structure totalement solide pour être sûr que ça tienne le coup. Ben, tout l'argent qu'on aurait pu faire avec cet événement-là, on l'a mis dans la structure. On ne l'a pas mis dans les poches des organisateurs. Ouais. C'est un peu ça qu'il faut regarder également. Donc, l'utilisation, avec une deuxième classe en plus, il y aurait des possibilités d'exposition. Des exemples, le Cirque du Soleil est venu il y a quelques années. Mm. Ils vont régulièrement à Trois-Rivières, ils vont un peu partout. Ils ne peuvent pas venir ici, on n'a pas les installations requises. Avec un nouvel amphithéâtre, on aurait ce qu'il faut pour accueillir ces gens-là également. Ben, les gens qui disent que les on n'a pas d'argent, pour... maintenant, il faut que tu arrêtes de penser à ça, puis il faut que tu y ailles, dans le fond. Puis, c'est un investissement. Outre ça, là, ouais. La mairesse était claire. Il faut faire quelque chose. Le centre Vézina, on ne peut pas le garder comme il est là. Non. Il est dangereux. Mm. Les Saguenay ont tiré un chandail à les femmes basées. Ça a pris 3 semaines d'avoir le hockey parce qu'on touchait au plafond un peu. J'ai vu 2 fois, sinon 3 fois depuis le début de l'hiver, des hommes sans toiture pour enlever la neige. Ouais. Et là, c'est des équipes d'organisation, des équipes de professionnels qui montent là. C'est pas les gens qui arrivent là pour pousser avec une pelle. Là. Ouais. C'est des professionnels. Ça coûte énormément d'argent pour enlever la neige. On a peur que la structure s'effondre. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une bad luck puis que le toit tombe durant un match de hockey ou lors d'un autre événement. Effectivement. Je pense qu'on est rendu là. On n'a pas le choix. Les ingénieurs sont tous d'accord. On a un tableau indicateur. On ne peut pas le bouger, là. Pour une raison, parce qu'il est dangereux puis il est à la limite de ce qu'il peut accepter. On a un nouveau set de lumière qui est dans le centre Vézina, qui est là depuis 3 ans. On n'ose pas l'installer. C'est dangereux. Donc, je pense que là, écoutez, c'est pas compliqué, là. C'est facile à prendre comme décision. Ouais. Et deux, les gouvernements sont ouverts. On a une élection provinciale, oui, mais il y a une chose que je coutume pas. On a une élection fédérale très bientôt, avec la démission de M. Lemieux. C'est le temps ou jamais de demander à M. Trudeau, en faisant une élection, est-ce qu'on peut avoir quelque chose également de notre amphithéâtre? Moi, je pense que est en ligne pour avoir un nouvel amphithéâtre. Il faut que ça se fasse très vite parce que la fenêtre, parce que c'est le 31 mars, la date limite que M. Couillard a donnée. Donc, il faut que la ville se vire de bord et dise on y va, puis on ouvre les pelles, puis on le fait. Oui, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on va parler avec Richard de Tournoi la semaine prochaine. Hey Phil, je veux te parler du temple de renommée. Vladimir Guerrero a décidé de rentrer au temple avec la casquette des Angels de la Haine. Question, c'est que ça a déçu beaucoup de monde. Et j'ai lu un commentaire de Stéphane Harvey hier sur les médias sociaux, puis c'était probablement le meilleur commentaire que j'ai vu. Ça devrait arrêter cette histoire-là de rentrer au temple de la renommée avec une casquette d'une équipe. C'est très rare qu'un joueur fasse une carrière avec la même formation. Puis je suis d'accord avec ça, mais il devrait rentrer avec une uniforme neutre, toi. Tu sais comme moi qu'au baseball, la fameuse casquette, c'est un symbole. Hein? Ouais. On est-tu d'accord? Ouais. C'est un symbole au baseball. Deux, Anaheim, et c'est le baseball majeur qui met beaucoup de pression sur les joueurs pour dire que tu devrais choisir. Anaheim n'a aucun joueur qui a été élu au temple de la renommée du baseball majeur. Aucun. Ouais. C'est le premier de l'histoire de Anaheim, qui est quand même une bonne concession, là. Ouais. Donc, déjà, les expos en avaient 3 ou 4, si je ne me trompe pas. Donc, à ce moment-là, il faut dire que Guerrero a connu du succès à Montréal. Oui, c'est nous autres qui l'a élevé, puis qu'on est frustré un peu, normal, parce que c'était un des grands joueurs qui a passé à Montréal. Mais Anaheim, il a été une grande vedette là-bas également, là. Ouais. Et deux, on dit que le propriétaire d'Anaheim, ou le directeur général, est un gars de la même nationalité que Guerrero. Mm. Donc, à ce moment-là, ça joue probablement un peu en faveur de ces gens-là, que Guerrero porte le... Mais moi, là, qu'il soit avec la casquette d'Anaheim ou des Expos, c'est que je peux dire que j'ai vu jouer Guerrero, qui est au temps de la renommée, qui a marqué l'histoire des Expos, puis qui est allé là, de façon exceptionnelle. Donc, oui, c'est un petit peu décevant, mais ça demeure quand même que c'est un grand joueur de baseball qui a passé à Montréal, comme Gary Carter a passé, comme Pedro Rodriguez, Pedro Martinez. Qui a passé. Donc, moi, je pense que, oui, c'est frustrant pour les gens de Montréal, Mais moi, je suis pas surpris qu'il porte la casquette d'Anaheim. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, un analyste qui disait que la pression vient beaucoup, beaucoup du baseball majeur quand vient le temps de faire la fameuse choix. Parce que tu as raison en disant qu'on joue pour 3, 4, 5 équipes maintenant. À comparer avant où les gars faisaient la carrière presque toute sa vie dans le même club. Je suis surpris parce qu'André Dawson voulait porter la casquette des Cubs. Puis on lui a dit, on l'a suggéré de porter la casquette des Expos. Il est rentré avec la casquette des Expos, mais si ça aurait été le choix de Dawson, ça restait les Cubs. Donc, c'est pour ça que je te dis que le baseball majeur met de l'influence. Anaheim, c'est sûr qu'il n'y a aucun joueur actuellement. Le baseball majeur a sûrement mis de la pression pour dire il faut qu'il y ait au moins minimum un joueur. Puis il n'y en a peut-être pas d'un prochain. Mais Mike Trout, mais ça va faire un peu, un certain bout, là, Mike Trout. Exact. Donc, à ce moment-là, je pense que le baseball majeur a fait le travail qu'il devait faire pour qu'il passe. Mais je suis convaincu que, et d'ailleurs, son fils, qui va jouer dans le baseball majeur très bientôt, est venu au monde à Montréal. Ben oui, puis il pourrait jouer pour le Canada dans une compétition internationale. Et Phil, en terminant, je veux te parler d'un article que je vais en parler plus avec Jean Gosselin la semaine prochaine. Les Falcons d'Atlanta, ils ont réduit de beaucoup le prix de la bière, le prix des kiosques souvenirs également. Et résultat, ça se termine. Ils ont réduit de 50% les kiosques alimentaires et les kiosques souvenirs. Résultat, à la fin de la journée, 16% d'augmentation de profit. Penses-tu que ça va venir un temps, que ça va être une tendance qu'on va observer? Tu regardes les assistances dans tout le sport professionnel, c'est à la baisse. Les gens ont de moins en moins d'argent. Penses-tu que quand on va arriver Falcons, ça pourrait être une nouvelle tendance? Moi, Danny, là, je pense que c'est une excellente idée qu'a eu Atlanta pour une raison. Ouais. Quand tu rentres là et que ça te coûte une fortune pour obtenir un billet, je vais te dire que c'est vraiment... Et là, tu te dis, écoute, va au Centre Bell. Un billet. Moi, je me sais, la dernière fois que je suis allé au Centre Bell l'année passée, j'ai payé mon billet 174$. C'est la dixième rangée du plafond en haut. Ouais. Un mardi soir, Washington. Et quand je suis allé pour chercher une consommation avec un hot dog, j'ai sorti 20$, ça m'a coûté 22$. Ouais. Je me dis, tabarné, c'est une exploitation, ça te frustre. Puis le parking, donc, le parking. 14$, je me dis, c'est là, puis la demande, pas trop. Ouais. Et un hot dog à l'intérieur, puis un hot dog à l'extérieur, ça demeure un saucisse avec du pain. Ouais. Puis une bière, ça demeure une bière. Tu sais, payer une bière 13$, quand tu sais qu'elle leur coûte 1,25$ ou 1,5$, là, tu dis, je me fais exploiter. Et c'est, je pense que c'est ça que les gens deviennent frustrés. Mais remarque bien que c'est pas unique chose, là. La semaine dernière, Danny, il faut que je te raconte ça. Mon épouse va, pendant la relâche, avec une de mes petites filles à Paris. Ouais. Imagine-toi que, lors de son voyage, il y a un match de soccer entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Ouais. On a voulu trouver des billets. Et bien, malheureusement, les billets sont tous vendus, sauf que il y a ce qu'on appelle des revendeurs. Stubbob, puis tout, oui. Hey, sais-tu comment ils vendent ça, Danny? Ah, écoute, ça doit être... 500 €. Hey. 400 euros. C'est 500 quelques dollars canadiens, et le siège n'est pas garanti. Tu es assis dans le stade, mais tu ne sais pas exactement à quel endroit. Hey. Tu sais, des fois, on chiale quand nos billets sont chers. Tu vas me dire, là-bas, le soccer, c'est une religion. Bien qu'un match comme ça, c'est un peu comme une finale de la Coupe Stanley. Si le Canadien va au Centre Bell demain matin, tu ne trouveras pas de billets à 100$. Non. Tu vas trouver des billets à 300, puis 400, puis 500$ en revente. Là. Ouais. C'est comme ça. Puis à New York, des séries de fin de saison, on dit que les billets se vendent 1000$, puis 1500$ l'affaire. Et tu regardes ça, puis tu te dis, c'est fou, le sport professionnel. Et l'exemple que tu donnes au niveau de ce qu'on appelle les à côté, c'est vraiment exorbitant, là. Payer un hot dog 7,5$, quand tu t'en coûtes à peu près 50 cents pour le faire, c'est exagéré. Une bière coûte 1,25$, t'en vends 13$. Mais moi, ce qui m'impressionne quand je vais au Canadien, Danny, là, je vais là, je vois ça, c'est rempli de jeunes, ils ont toutes une bière à la main, puis une bière à deuxième, puis une bière à troisième, puis je me dis, ils ont payé 13$, là. C'est sûr que... Ils ont payé le billet, mais la bière, ils la payent cher, puis ils en prennent pareil. Hey, c'est une bière à 8,11$ à 12$ au Centre Bell. Et souvent, c'est de la bière en fût, si je m'abuse en plus, tout ça. C'est même pas de la bière, c'est même pas de la vraie bière. C'est de la bière en fût à 12$. Donc, oui, c'est exagéré. Honnêtement, là, quand je regarde ça. Et puis, eux autres, peut-être que là, ils ont fait un test. Ça donne de très bons résultats. Ça va peut-être suggérer. Écoutez, Je suis allé aux Blue Jays l'année passée. Ouais. Danny, je vais te dire un affaire, une poutine avec une bière, ça a coûté 34 piastres. Ben, c'est à peu près ça à New York aussi que j'ai payé quand je suis allé aux Mets, puis je suis allé à mon voyage l'année passée. Là. C'est sensiblement pareil. Mais, non, c'est l'exagération totale, c'est l'exploitation. Et c'est ça qui frustre les gens. Ouais. Des fois, là, je me dis, je suis pas obligé d'aller au Centre Bell. Mais si je suis prêt à payer le prix de 150 piastres pour un billet, pas de problème, moi le payer. Pour aller voir un bon spectacle, moi le payer. Mm. Quand j'arrive là, me faire exploiter par-dessus avec de la bière à 13 piastres, à 14 piastres, des hot dogs à 7 piastres, c'est là que je trouve qu'on abuse. T'achètes un T-shirt du Canadien, tu payes 39 piastres, t'achètes un T-shirt ordinaire, qui est à peu près la même chose, tu vas le payer 12 piastres. Mm. Il y a quelque part, même pour avoir le logo du Canadien dessus, tu vas payer 27 piastres de plus. C'est de l'exagération totale. Ben ouais. Mais le sport professionnel est rendu là. Puis malheureusement, bon, on doit en subir les conséquences. Mais je pense que le fait que les assistances sont en baisse dans la plupart de tous les sports, quand tu vois ce que les Falcons d'Atlanta ont fait, ça peut donner des idées aux autres. Moi, je pense. D'ailleurs, tu parles de baisse. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine les statistiques de la d'écoute chez le Canadien. Hey, c'est épouvantable. 13% de baisse. C'est ça qui va faire... Moi, je pense que c'est ça qui va faire réagir Jeff Molson. Parce que c'est pas... écoute, c'est là que ça passe. Là. Puis Phil, t'as vendu de la publicité. Jeff Molson, ça le dérange pas, lui. Il a signé un contrat de 12. Ouais. À 1 million par match. Il collecte ça tous les matchs. 1 million pour la diffusion de ses matchs. Mais sais-tu quoi? C'est, le problème, c'est le diffuseur. Ben oui. Parce que le diffuseur, lui, il a payé ce montant-là. Pour le rentabiliser, il doit faire tel prix pour ses spots. Malheureusement, il n'est pas capable d'atteindre ça. Mm. Les chiffres qu'il doit donner. Donc, il doit faire du remboursement, du placement supplémentaire pour compenser les marchands qui ont acheté. Mais durant ce temps-là, il empêche d'autres marchands d'acheter parce qu'il n'y a plus de talentaine. Puis c'est le problème. Ouais. C'est qu'il est obligé de réduire ses coûts. Puis lui, il ne fait pas d'argent. Ben, la preuve, on a vu les pertes de TVA qui sont exorbitantes. Absolument. Avec le hockey. Donc, malheureusement, le sport professionnel tire une balle dans le pied. Puis cette année, la NFL, qui n'avait jamais aucun problème, les 9% d'écoute, puis le baisse d'assistance dans les stades, dans les stades également. Là. Il y a le streaming qui rentre en ligne de compte. Mais Phil, autrement, tu as vendu la publicité encore plus que moi. Tu as vendu toute ta carrière de la publicité. Oui. La statistique qui fait le plus mal, c'est dans la catégorie 25-54 ans. Exact. La clientèle acheteuse puis l'argent qui dépense. C'est 25% de baisse. C'est pas 13, c'est 25%. Exact. Tu as raison là-dessus. Là. Ouais. Ça, je pense que... C'est catastrophique. Les résultats font foi de tout, là. Mm. Quand le Canadien gagne, tout le monde les écoute, mais quand le Canadien ne gagne pas... avant hier, je jouais au curling, le monde a sorti des glaces. Ils ont dit, le Canadien perd encore 2 euros. Mais pas d'intérêt, le monde, ça ne dérangeait pas plus que ça, là. Donc, c'est un peu ça qui fait que, malheureusement, le groupe d'âge que tu parles, 25-54, qui sont les grands consommateurs et que les acheteurs veulent avoir... Ben, eux autres, ils se désintéressent du hockey, ils s'intéressent quand ça gagne et quand il y a des bons spectacles. Malheureusement, ben, chez le Canadien, c'est pas le cas. OK. Phil, on s'en parle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Legault.